Vous écoutez La Ligne Ouverte des Aigles avec Simon La Liberté en direct du stade Fernand Bédard et Mathieu Plante à la mise en onde au studio de C'est Fou 89.fm. De retour au stade Fernand Bédard de Trois-Rivières, les Aigles sont éliminés ce soir par la marque de 9 à 3 face aux Jackals du New Jersey. Et on va être prêt à débuter la tribune téléphonique. On a encore quelques problèmes de son, mais on va tenter de faire de notre mieux pour vous offrir une très bonne tribune téléphonique. Mathieu, à qui qu'on parle dès le départ? Oui, bonne chance, Simon, pour le reste de la tribune. Donc, notre premier appel ce soir, c'est un homme qui n'a pas de sujet en tant que tel. Il veut parler des aigles en général. Donc, je te présente Serge Gauthier. Bonjour, Serge, ça va bien? Oui, ça va très bien. Salut, René aussi. Bonjour, M. Gauthier. D'abord, je voudrais vous remercier tous les deux pour le très bon travail que vous faites. D'abord, Simon, tes commentaires sont toujours appréciés. Et puis, René, je sais que c'est pas facile, le bon travail que tu fais. C'est sûr qu'il y a toujours des critiques, mais il faut penser qu'il y a énormément de travail, puis je pense que tu l'accomplis assez bien. Merci beaucoup. Serge, qu'avez-vous pensé de la série contre l'équipe nationale de Cuba? Est-ce que vous attendiez ce que les Aigles réussissent à aller chercher deux victoires de suite comme ça? Non, ça a été une surprise, évidemment, parce qu'on nous disait que Cuba avait une équipe très, très forte. Moi, je considère maintenant que Cuba est une équipe de calibre CANAM et probablement pas plus. Maintenant, on nous dit que tous les joueurs ne sont pas là. Ça pourrait changer la donne un peu, mais je pense pas que ça puisse changer la donne tant que ça. Et quant à la dernière semaine des Aigles, on a cherché trois victoires. Est-ce que c'est positif dans votre cas? Est-ce que vous croyez que l'équipe est repartie ou encore ça va être difficile? Non, je pense que l'équipe est repartie. C'est sûr que après trois victoires, on s'attendait à une quatrième. Mais t'sais, c'est peut-être trop demandé. Maintenant, moi, ce que je peux passer comme commentaire ce soir, c'est que je suis déçu de voir Matteo au deuxième but et Richard au premier but, alors que j'ai toujours compris que Richard était un gars de deuxième but. Et puis Matteo a prouvé qu'il était excellent au premier but. Alors je comprends pas cette combine-là là, ce soir. Je suis 100% d'accord avec toi, Serge. Je le disais justement à Simon tantôt que notre aliment m'énerve au plus haut point actuellement parce que je suis plus capable de voir tout le mouvement partout dans l'avant-champ. Je crois que par contre que Richard a mal à l'épaule et Pierre-Luc veut pas qu'il lance trop de balles, c'est pour ça qu'il peut jouer au premier but. Ah, et ça, c'est pas une critique envers le gérant, c'est parce qu'il ne peut pas utiliser ses joueurs au bon endroit. C'est ça depuis le début, depuis la blessure de Merchant, il n'y a aucune stabilité dans l'avant-champ, puis c'est pour ça qu'on fait autant d'erreurs. Puis l'année passée, c'est pour ça qu'on avait gagné, on n'en faisait pas d'erreurs. Fait que c'est un, je le disais justement en entrée de jeu là, que ça m'énervait au plus haut point d'avoir l'instabilité dans notre avant-champ. Oui, maintenant, il y a le cas de Morales qui me chicote énormément. On voit que Morales a déjà 13 erreurs cette année, si je ne me trompe pas. Alors que El Presidente, l'année passée, Pedro Lopez en a eu peut-être une douzaine en 85 ou quelque chose du genre, 85, 86 matchs peut-être. Là. C'est exactement ce que je mentionnais tout à l'heure en nom de Morales. Présentement, après quoi, une 25 matchs, même pas, il n'a même pas joué tous les matchs à l'arrêt court, a plus d'erreurs que Pedro Lopez en toute la saison dernière. Et je crois, René, tu vas être d'accord avec moi que Morales, bien, on a des choses à travailler dans son cas, mais surtout que Lopez manque énormément à l'équipe. Pedro Lopez, c'était vraiment, d'après moi, notre capitaine l'année passée. Ça faisait une grosse différence. Puis là, Morales, il ressemble aux haricots qu'on avait les deux premières années. Puis ça m'inquiète beaucoup, effectivement. Oui, parce que au rythme que va Morales, s'il fait la saison au complet, il va possiblement battre le record de David Cooper avec 32-36 erreurs la première année. Je vais peut-être essayer de discuter avec Pierre-Luc pour qu'il se rende là. Sinon, Serge, avez-vous un autre dossier à nous partager présentement? Est-ce que vous êtes déçu de l'assistance ce soir, seulement 1100 spectateurs? Définitivement déçu. Maintenant, je comprends la raison des Aigles d'avoir des matchs à 6 heures le soir, mais des matchs à 6 heures le soir, je pense, un samedi soir, là, Pour les spectateurs, je pense que c'est pas adéquat. Vous préférez 16h ou 19h? Les matchs à 7h ou 19h le soir, c'est déjà pas mal mieux. Et en plus de ça, c'est que c'est pas tout le monde, évidemment, qui suit le baseball comme peut-être certains amateurs le font, mais de changer l'heure comme ça, de 19h à 18h le soir, surtout un samedi soir, j'ai l'impression que c'est pas une... Mais je comprends la raison pour laquelle les Aigles l'ont fait. C'est pour essayer de garder les jeunes qui sont là en après-midi, en académie, essayer de les garder au stade pour le match. Ça, j'en suis c'est conscient. Ça, Serge, que ce qu'on a voulu faire, c'est que les Capitales ont commencé à faire ça avec toutes les écoles de baseball. Puis c'est justement aujourd'hui, on a eu beaucoup de jeunes sur le terrain. C'était l'idée, mais ça va être réévalué. Ça se peut que l'année prochaine, on change d'idée puis qu'on revienne à 19h. Oui. C'est toujours dangereux de copier les choses des autres équipes. Comme par exemple, quand on copie Québec, si on voit les amateurs de Québec qui sont au match très, très tôt, comparativement aux amateurs de Trois-Rivières qui sont généralement au stade pas avant 6h30 ou 18h30, là, alors que le match est à 19h. Alors qu'à Québec, on se rend au match, puis il y a déjà pas mal de monde dans les estrades à 6h le soir ou 18h. C'est un très bon point, Serge. Et moi, du côté de l'organisation des Aigles, je vous assure qu'on va prendre votre commentaire en note et l'évaluer là, au terme de la saison. Ah bien, merci beaucoup pour votre compréhension. Et puis, on continue à espérer qu'on va avoir de très bons matchs et qu'on va gagner plus souvent. Merci beaucoup, Serge, pour votre intervention. Ça me fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. Bye. Salut. Donc voilà, c'était Serge Gauthier, notre premier intervenant ce soir. Donc je vous rappelle le numéro de téléphone pour nous parler, le 819-376-5183. Donc on chuchote à l'oreille qu'un réseau est présentement libre. Donc appelez et vous allez être avec nous en ondes, 819-376-5183. Nous, on va se quitter pour une courte pause. Au retour, on continue à prendre vos appels en vous rappelant que vous écoutez la baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. De retour au stade de Fernand Bédard pour cette émission d'après-match du baseball des Aigles. Je vous rappelle... Appelez 819-376-5183. Et mon metteur en onde, Mathieu, me dit à Jimmy de rappeler, puisqu'il a sans doute mal noté ton numéro en note ou tu as mal divulgué ton numéro. Donc, Jimmy, rappelle immédiatement au 819-376-5183. Et ce sera à ton tour de nous parler. Pendant ce temps, René, on va parler du match du 2 juillet prochain, le match entre Cuba et Japon au stade. Jusqu'à maintenant, comment va la vente des billets pour ce match? Bien, c'est ça, vendredi matin, après la série de Cuba, ici à la billetterie, on a déjà commencé à avoir des appels téléphoniques, des réservations pour cette série, pour la série du Japon la fin de semaine prochaine et pour le match du 2 juillet. Fait que ça augure bien, mais on va avoir un blitz là, de publicitaire puis de mise en marché pour le Japon et le match Cuba-Japon du 2 juillet là, qui va commencer au début de la semaine prochaine. C'est sûr qu'on avait mis beaucoup d'emphase sur la série Cuba, mais là, on va s'attaquer au dossier des Japonais là, qui arrivent au Canada, je crois, lundi ou mardi, ils s'en vont à Québec. Fait que ça devrait aussi faire une bonne vague là, de popularité pour le baseball avec les Japonais. Et les Japonais, bien, eux, on les a vus l'an dernier, avaient offert une bonne performance aux Aigles. Les Aigles avaient deux gains et une défaite, mais ça risque d'être un bon match de baseball. Et toi, amateur de baseball, est-ce que tu viendrais à un match Cuba-Japon, même si les Aigles ne sont pas impliqués? C'est certain que je viendrai voir ça parce que c'est deux baseballs qui se ressemblent beaucoup. Ils mettent la balle en jeu. Puis les Japonais, c'est pas une farce. J'ai quand même une certaine inquiétude pour le match que les Aigles vont jouer contre les Japonais parce que s'ils jouent le même baseball que l'an dernier, on avait une défensive incroyable l'an dernier. C'est ce qui nous a permis de les battre. Mais avec notre défensive qui est assez incertaine dans l'avant-champ actuellement, j'ai une certaine inquiétude parce que les Japonais mettent la balle en jeu. Court très rapidement. Ça va être important de s'appliquer en défensive et ça va être des très, très gros matchs. Les deux clubs qui mettent la balle en jeu, des doubles jeux qui courent rapidement, fait qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'action. Oui, ça m'intrigue d'avoir un duel Japon-Cuba. Et les Japonais, on l'a vu l'an dernier au stade, Est-ce que le gérant Pierre-Luc Laforêt et les autres gérants de la Ligue CANAM ont tenté pendant la saison morte d'aller chercher des joueurs au Japon qu'on avait vu jouer ici l'an dernier, ou encore bien ces joueurs veulent rester dans leur pays et ne veulent pas jouer dans la Ligue CANAM? Nous, au Québec, c'est certain qu'on n'a pas vraiment essayé. Je sais que les Capitales ont... Pierre-Luc et les Capitales avaient eu une possibilité d'aller au Japon au mois de mars pour faire du recrutement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Japon, il y a comme une ligue de baseball majeur que ces joueurs-là n'ont pas vraiment accès pour les amener dans le CANAM. Puis ils ont une ligue comme l'équipe qui vient ici, qui est une étoile du baseball indépendant. Fait que ces joueurs-là, dans le fond, sont pas mieux que les joueurs que nous avons ici. Les faire venir de là-bas, ça entraînerait des coûts astronomiques, les affaires de visa puis tout ça. Fait que c'est pour ça que, à moins d'en avoir un exceptionnel, on se concentre plus sur ce qu'on a là, en Amérique, là, que ce soit du Nord ou en Amérique du Sud. Mathieu, maintenant, on me dit qu'on a un appel. Absolument. Simon, c'est au tour de Denis Baillargeon qui veut parler de la relève des Aigles. Bonjour Denis, ça oui, va bien? Oui, bonsoir, ça va bien. Je voudrais juste mentionner quelques points sur la relève. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui là, parce que on s'est fait défoncer en parterre. Mais ce qu'on se rend compte depuis le début de la saison, c'est au niveau de la procédure de préparation de la relève, ça fait défaut chez notre groupe d'entraîneurs, pour pas dire l'entraîneur en chef. J'ai rien contre Pierre-Luc, mais à ce niveau-là, il y a de la difficulté. Quand un lanceur est rendu à 90 lancés et plus, et puis qu'on se rend compte dans les estrades qui commencent à pomper l'huile, comme on dit, prépare ta relève pour qu'il puisse faire son travail de sauvetage. C'est une lacune que je me rends compte de plus en plus comme tendance. Est-ce que salut Denis, est-ce que c'est plus le match de ce soir ou c'est depuis le début de la saison? Non. C'est comme j'ai dit à mon début, ce soir c'était pas le cas parce que là on s'est fait défoncer en partant. Là. Mais on s'est rendu compte de ça, moi et quelques collègues spectateurs, là, qu'il y avait cette lacune là chez Pierre-Luc. Et ça serait possible, c'est le fun qu'il y ait eu une correction à ce niveau-là. C'est vrai que Pierre-Luc est souvent très patient avec ses lanceurs, veut faire confiance à son équipe. Parfois, ça lui joue un tour. Hier, je l'ai noté dans le cas de Blanchette. C'est vrai que Pierre-Luc aurait pu le retirer plus tôt dans le match, puisque c'était son premier match en carrière chez les pros. C'est amené les sentiers à s'occuper et ça a été très difficile. Malgré Simon, je m'excuse, que Guillaume a été malchanceux. Parce que le voix de Dieu a perdu la balle, puis ensuite Herrera. Parce que dans mon livre à moi, il avait fait le travail, Guillaume. Là. C'est vrai. J'adore ce que j'ai vu de Blanchette hier. Très, très confiance en lui. Il est arrivé contre le meilleur frappeur de la Ligue. Un petit ballon. Oui, une fois Charles, de plus, il n'a pas été appuyé par la défensive. J'ai adoré ce que j'ai vu de Blanchette hier. Il est assez impressionnant, M. Art Charles. Hein? Oui, le pays aurait pu venir jouer ici, hein, parce qu'il jouait avec Steve Brown l'hiver en Colombie. Dis-moi puis, pas ça. C'est là. Ça, c'est qu'il y a eu une offre plus alléchante du New Jersey. Dis-moi pas ça, là, parce que la prochaine fois que je vais voir René Martin, je vais le secouer, là. Non, mais... on va se voir demain, Denis. Oui, on va se voir. Je pense pas hein, qu'il va rester dans la CANAM longtemps, parce qu'il y a un niveau de jeu assez exceptionnel. Pour sa grosseur, il couvre du terrain. C'est assez incroyable. Là. En défensive, puis Denis, ça, je regardais, j'ai lancé la pratique au bâton hier des Aigles, puis je regardais les frappeurs qui frappent bien la balle d'une pratique au bâton. Sur 10 balles, il en frappe 6 d'aplomb. Sur les 6 qui frappent d'aplomb, souvent, ça pourrait être attrapé par un joueur aux 8 positions. Lui, il frappe pour près de 450. C'est incroyable. Là, après 100 apparitions au bâton, c'est très dominant. Il est impressionnant physiquement puis aussi au niveau de son rendement. Là. Si je peux me permettre, rapidement, j'aimerais souligner l'excellence puis la constance au niveau de l'équipe à deux places. Grand Chelem puis la petite Frédéric Plouf font un travail exceptionnel. C'est vrai, la jeune Frédéric qui est la bad boy, bad girl en fait des Aigles. Et même parfois, lors de certains matchs, elle est toute seule, donc elle fait les deux équipes. Ouais. Et Grand Chelem, lui, avec des températures comme aujourd'hui, eh bien, c'est difficile dans son costume. Hey Denis, oui. Je vais être encore plus content. Je suis bien content de la Bad Girl puis de Grand Chelem, mais je commence à avoir hâte qu'on trouve qu'on est content qu'un de nos joueurs a tout un début de saison puis qu'il est très stable. Oui, OK. C'est très bien. Alors, c'était mes commentaires pour ce soir. Bien, merci beaucoup, merci. Denis. Donc, puis, on donne rendez-vous à la prochaine tribune téléphonique qui aura lieu samedi prochain. En passant, Simon, j'aimerais dire à certains là, que la ligne, c'est pas vrai qu'elle est arrangée. Là. Parce qu'on a pu lire ça sur Facebook à certains égards, là, que la ligne ouverte est impactée. C'est pas le cas, mesdames et messieurs. Oui, donc on invite les gens à appeler au 819-376-5183. Donc, merci beaucoup, Denis, pour votre appel. Excellent. Et on se donne rendez-vous samedi prochain. Même demain. Excellent. Bonne fin de soirée. OK, voilà, c'était Denis Bayargeon. On va terminer l'entretien avec René Martin avant de le laisser aller. Donc, René, match du 2 juillet, Cuba-Japon. Tu mentionnais que toi, si tu étais un amateur de baseball, tu viendrais au stade. Quel serait ton argument pour convaincre les gens qui nous écoutent présentement, qui sont plus ou moins amateurs de baseball, de venir assister à un match de baseball international? Bien, c'est sûr, la qualité du jeu qui va jouer là, il n'y a pas d'erreur qui se fait entre ces deux équipes-là. Autre chose, Trois-Rivières a en quelque sorte été choisi par la Ligue Can-Am pour accueillir ce match-là. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse comme toutes les fois qu'on a un événement comme ça, puis qu'on fasse ça grandiose, parce que c'est certain que ça nous aide auprès de la Ligue Can-Am. On souhaite tous que les Cubains reviennent l'année prochaine, peut-être une ou deux équipes. On aimerait ça que le Japon revienne. On veut faire toutes sortes d'événements comme ça. Fait que c'est certain que je serais très fier de montrer à tout le monde que Trois-Rivières, c'est vraiment une ville de baseball. Puis moi, je crois vraiment que c'en est une. Fait que ça, c'est sûr, c'est un argument. Mais aussi, c'est ne pas oublier, je me répète, je suis fatigué avec ça, mais la série Trois-Rivières-Japon, c'est du gros baseball qui va jouer ici, puis ça compte dans notre calendrier régulier. Puis j'ai regardé les prochains matchs qui s'en viennent, oui, demain, mais après ça, le Japon, Québec, puis la fin de semaine du 9, 10 et 11, 8, 9, 10, qui sera le week-end de la famille, le prix du gros. Ça va être une fin de semaine, je vous le dis, on va en parler pendant longtemps. Trois-Rivières, il y a des choses très spéciales. Le prix du gros qui a acheté 4200 billets pour remettre à des jeunes durant ce week-end-là. Fait qu'on va commencer cette semaine la distribution de ces billets-là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de matchs le fun qui s'en viennent au stade Fernand Bédard. Donc, dernière chance pour vous de nous parler. 819-376-5183. Je vous donne encore une minute pour appeler. 819-376-5183. Je veux savoir quelles sont vos impressions sur la dernière semaine des Aigles. Êtes-vous à l'aise avec l'équipe présentement sur le terrain? Et en terminant, bien, tu parlais de la fin de semaine du prix du gros. Le match de samedi prochain sera un match pour lutter contre le cancer. C'est la Société québécoise du cancer qui va être ici pour ramasser des dons. Et la Banque nationale a acheté 600 billets à remettre également aux jeunes de la Mauricie. Donc, le match de samedi prochain, il y aura un kiosque Banque nationale à l'entrée du stade. Les 600 premiers jeunes pourront aller chercher leur billet tout à fait gratuit pour le match contre le Japon en plus de ça. Donc, ça risque d'être une très belle fin de semaine, celle de la semaine prochaine. Donc, René, merci beaucoup pour ta présence avec nous ce soir pour cette tribune téléphonique et cette émission d'après-match. Donc, on va tenter de développer ça à tous les samedis, bien qu'à compter du mois de juillet, très peu de samedis au stade. Et en août, bien, il n'y en a aucun. Mais on pourra même peut-être déplacer la tribune si la demande est là. Donc, bonne fin de soirée, René. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Simon. Donc, pour cette émission d'après-match, bien, du côté des Jackals, on a marqué 9 points sur 13 coups sûrs et une erreur pour les Aigles, 3 points sur 7 coups sûrs et 3 erreurs. Bien, les Aigles ont attiré ce soir 1139 spectateurs. Les Aigles ont maintenant un dossier de 6 victoires contre 22 défaites. Résultat ailleurs ce soir dans la Ligue Can-Am. Du côté, laissez-moi rafraîchir ma page pour vous divulguer les résultats finaux. Donc, Québec s'incline 8-7 contre Sussex. Cuba mène 11-0 en 8e manche contre Ottawa. Et le Japon revient dans le match. Mène 8-7 en 7e sur les Boulders de Rocklin. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous qui aura lieu pas plus tard que demain après-midi. Charles Gillies va être sur la butte pour les Aigles. Et du côté des Jackals, bien, Joe Calfa-Pietra n'a toujours pas dévoilé l'identité de son lanceur partant. Le match est à 13h05, donc midi 55 pour l'émission d'avant-match sur nos ondes. Et en terminant, je tiens à remercier Mathieu Plante qui a fait un excellent travail à la mise en onde de ce reportage. Mon nom est Simon Laliberté.